Et si tu prépares, comment les fais-tu? Et ceci devrait commencer par les enfants de l'école de dimanche, que souvent les gens négligent. Écoute-moi bien. Nous avons l'impression que nous demandons aux volontaires, n'importe qui, de devenir enseignant à l'école de dimanche. Et on risque même de retrouver des sorciers, des sorcières comme monitrices, comme moniteurs. Bien-aimés, nous devons prendre au sérieux le ministère de préparation de la nouvelle génération. Depuis nos enfants, depuis les petits-enfants, la jeunesse. Parce que si nous ne prenons pas au sérieux, nous risquons de nous retrouver avec une génération de gens qui ne connaissent pas le Seigneur en vérité, de manière personnelle. Si aujourd'hui, nous sommes en train de mettre l'accent seulement sur les miracles, sur la prospérité. Quand tu viens à Jésus, il va t'élever, tu vas voyager, tu vas te marier et tu auras des voitures luxueuses. Au lieu de mettre l'accent sur la connaissance personnelle de Jésus-Christ, au lieu de mettre l'accent sur la connaissance des Écritures, nous allons nous retrouver, d'ailleurs nous commençons à voir, une génération qui ne connaît pas le Seigneur. Une génération, lorsqu'on parle des enseignements bibliques, ils ne sont pas intéressés. Mais lorsqu'on parle seulement des miracles, des spectacles, ils courent après les miracles. Bien-aimés, faisons attention. Les enfants d'Israël, la génération après les Josué, Caleb là, c'était une génération qui ne connaissait pas le Seigneur parce qu'il n'y a pas une bonne préparation. C'est ce que dit le texte ici. Il est dit au verset 10, « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » C'est curieux quand même. Une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel et qui ne connaissait pas ce que Dieu a fait en faveur d'Israël. Cela veut dire que la première génération n'a pas pris le temps de leur raconter ce que Dieu est et ce que Dieu a fait. Alors quand nous avons une génération qui n'est pas en contact avec la parole de Dieu, eh bien, nous ne soyons pas étonnés de voir aujourd'hui qu'il y a maintenant des PD dans l'église, ne soyons pas étonnés de voir aujourd'hui qu'il y a des sorciers dans l'église qui peuvent même devenir diacres, pasteurs. Ne soyons pas étonnés aujourd'hui de voir qu'il y a des gens qui vendent de l'huile pour avoir la guérison, qui vendent de l'eau, qui vendent toute espèce d'objets. Le fétichisme est entré dans l'église. C'est la conséquence d'une génération qui n'a pas réellement reçu les enseignements qu'il faut. Et le signe de cette génération, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire que le péché est devenu comme un mode de vie. Le verset 11 dit, « Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astarté. » Vous voyez, une génération qui ne connaît pas le Seigneur, c'est une génération qui court derrière l'argent. Ils disent, ah, si on suit Jésus là, ça c'est pressé et ça va créer les retards. Mais si vous allez dans un tel coin, vous allez prendre l'onction par exemple dans l'eau, vous allez prêcher, les gens vont tomber et les dîmes, les offrandes vont augmenter. Vous voyez? L'idolâtrie est entrée dans l'église. Le fétichisme est entré dans l'église. Le mysticisme est entré dans l'église. C'est le signe d'une génération qui n'a pas connu le Seigneur de manière personnelle. Donc, il faut encore réévangéliser aujourd'hui l'Église. Il y a beaucoup de païens qui sont dans l'Église aujourd'hui. Deuxième vérité, le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois que nous marchons dans le péché de manière volontaire, la colère de Dieu s'abat. C'est ce qui s'est passé. Cette génération qui n'a pas connu Dieu fut l'objet de la colère de Dieu. Vous voyez, il est dit au verset 14, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. » Bien-aimés, je voudrais attirer votre attention sur les manifestations de la colère de Dieu. Il y a ici environ 4 signes de la manifestation de la colère de Dieu. Premier signe, Dieu livre les gens entre les mains de leurs ennemis. C'est ce qui se passe. Même toi qui m'entends, tu dis tu ne comprends rien dans ta vie, tu vis seulement des moments d'attaque. Depuis lors, tu es parti voir des pasteurs pour ta délivrance ne finit pas. Lorsque tu vis dans le péché, Dieu te livre entre les mains de tes ennemis. Dieu te livre même entre les mains des sorciers de ton village, entre les envoûteurs, parce que toi-même tu vis dans le péché. Tant que tu n'arrêtes pas avec cette vie, ta délivrance ne sera pas possible. Deuxième conséquence, on dit « il ne peut résister à leurs ennemis ». Aujourd'hui, s'il y a même dans les milieux chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, ils prient pour combattre tel esprit, sirène des eaux, Marie de nuit, là ne part pas. Femme de nuit, là ne part pas. Mais pose-toi la question, tu ne peux pas résister à tes ennemis tant que tu vis dans le péché. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. C'est dans la mesure où tu te soumets, c'est-à-dire tu marches dans l'obéissance, de la sanctification, et que tu vas maintenant résister au diable, il va fuir. Mais si toi, tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne marches pas dans la sanctification, le diable ne va pas fuir loin de toi. Les démons ne vont pas fuir. Tu ne peux pas résister à tes ennemis. Troisième conséquence, la main de Dieu sera contre toi. Vous voyez, il est possible que toi qui te dis chrétien, tu vas même à l'église, dans tout ce que tu fais là, la main de Dieu est contre toi. Quand la main de Dieu est contre toi, tu échoueras dans tout ce que tu vas faire. Tu vas faire commerce. Le commerce là ne va pas donner. Tu vas essayer de travailler. Tu auras des blocages au niveau de ton travail. La main de Dieu sera contre toi. Donc la solution est de te repentir. Il est dit au verset 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Et quatrième conséquence, tu seras dans une grande détresse. Il y a une détresse qui vient de l'épreuve, mais il y a une détresse aussi qui vient du péché. Troisième grande vérité, Dieu peut se servir de nos ennemis pour nous éprouver, pour nous former. Vous voyez, c'est ça la vérité. Surtout lorsque nous marchons dans la désobéissance, Dieu peut utiliser même nos ennemis pour nous corriger, pour nous ramener à lui. Ici, on voit que lorsque les enfants d'Israël se détournaient de Dieu, il leur suscitait des juges pour les délivrer. Et lorsqu'ils désobéissaient encore, il les livrait entre les mains de leurs ennemis et il utilisait ses ennemis maintenant pour les éprouver. Il est dit au verset 20, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il courut. » Verset 22, « C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. » Vous voyez, Dieu peut se servir même parfois de Satan, même de tes ennemis pour t'éprouver. Est-ce que tu comprends? Mais si tu reviens à lui, le Seigneur peut encore te restaurer, il peut encore te relever pour te faire du bien. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Si tu as l'assurance du salut comme moi, lève-toi, nous allons danser pour Jésus. Jésus-Christ vit dans mon cœur. Mon salut, Jésus qui vit dans mon cœur. C'est pourquoi je ne crains rien, Jésus sauvé pour toujours. Il vit, qui vit dans mon cœur. Jésus qui vit dans mon cœur. Il vit, qui vit dans mon cœur. Je ne crains rien, je suis sauvé. Il vit, qui vit dans mon cœur. Jésus qui vit dans mon cœur. Il vit, qui vit dans mon cœur. Je ne crains rien, je suis sauvé. Saint-Esprit en moi témoigne que je suis enfant de Dieu. Je sais que rien ne peut me séparer de son amour. Le Saint-Esprit en moi témoigne que je suis enfant de Dieu. Je sais que rien ne peut me séparer de son amour. Il vit dans mon cœur. Jésus qui vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Je ne crains rien, je suis sauvé. Il vit dans mon cœur. Jésus qui vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Je ne crains rien, je suis sauvé. Alléluia. Jésus vit dans mon cœur. Je vais danser pour lui. Alléluia. Élève ta voix, dis-lui merci pour tout ce qu'il t'a enseigné. Il t'aime, il est bon, il est merveilleux. Élevons éternel notre Dieu, toi notre salut et notre délivrance. Merci Seigneur, toi le Dieu qui nous aide à te connaître et à connaître ta parole. Père, nous voulons en ce moment te prier à nous aider à préparer la nouvelle génération à te connaître également. Merci ô Père de nous aider à te rester obéissant. Aide-nous, ô Seigneur, à obéir à ta parole jour après jour et à marcher selon elle. Ô sois béni notre Dieu, toi le Dieu qui nous garde de l'idolâtrie, afin que nous soyons préservés de ta colère. Garde-nous, Seigneur, de la désobéissance et de tout ce qui ne te glorifie pas. Nous te bénissons, ô Père, toi le Dieu capable de nous soutenir, de nous garder et de nous conduire jour après jour. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, toi, notre Seigneur, toi qui nous soutiens, qui nous délivres et qui nous conduis à cause de ton nom. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Juges 2, 10 à 23. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Nous venons de voir que nous devons apprendre à préparer la nouvelle génération à connaître le Seigneur. Nous allons prier. Si tu es parent, prie pour tes enfants. Peut-être que tu as un enfant qui est difficile. Prie pour lui, que Dieu le touche pour qu'il se convertisse. Fais un programme pour que les enfants soient enseignés. Il faut même investir pour qu'ils aillent dans des retraites, dans des camps de jeunesse. C'est une façon de préparer la génération. En tant qu'église, prions pour nos enfants de l'école du dimanche. Prions pour notre jeunesse. Montrons-leur la voie, afin que nous ayons une génération qui connaît personnellement Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu en qui je me confie, que je ne sois pas couvert de honte et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Toi qui veilles sur moi, toi qui me gardes, toi qui me protèges, toi qui protèges et sécurises ma famille, je te rends grâce et je bénis ton saint nom ce matin. Merci Père pour toutes les grandes choses que tu réalises dans ma vie, dans ma famille et dans ma communauté, dans le corps de Christ en général. Ce matin, ô Père éternel, je prie pour la jeunesse, je prie pour mes enfants, ô Père éternel, je demande que tu les gardes et que tu les protèges, qu'ils soient instruits dans tes voies, sécurise-les dans leur instruction, afin qu'ils ne s'en écartent pas lorsqu'ils seront grands. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tout frère, toute sœur qui m'écoute en ce moment et dont les enfants traversent des moments difficiles. Je demande au Père éternel que ces enfants soient délivrés des mauvaises compagnies, qu'ils soient délivrés de toute forme d'addiction dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute forme de distraction, sur toute forme de diversion satanique de la part du diable dans la vie de nos enfants. Je prie pour les enfants de l'école du dimanche. Je prie pour les groupes des jeunes et je demande au Père éternel qu'ils soient sécurisés dans tout ce qu'ils entreprennent, qu'ils soient gardés et préservés contre toute manipulation satanique afin de faire ton honneur, afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Merci Père éternel pour nos enfants que tu sécurises, pour la jeunesse que tu sécurises, pour l'école du dimanche que tu sécurises. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir le salaire du péché, c'est la mort. Dieu nous livre entre nos ennemis. Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. Nous ne pouvons pas résister et sa main peut être contre nous. Tu vas prier le Seigneur. Si tu t'es rendu compte que tu as abandonné le Seigneur et que tu t'es méconduit, demande-lui pardon pour que Dieu te relève, pour que Dieu te donne de nouveau la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père. Te dire merci parce que dans nos églises, il y a beaucoup, beaucoup de rétrogrades. Il y a beaucoup qui sont refroidis par rapport aux situations qu'ils traversent. Ce matin, nous voulons te les apporter. La seule chose que nous demandons, que ta parole demande, c'est de revenir à toi dans la confession, la repentance, et d'abandonner le péché et revenir totalement à toi, comme cela se faisait dans le livre de Juges. Ils pêchent aujourd'hui, tu envoies des gens pour les corriger, ils crient vers toi, tu les délivres, ils repartent encore. Mais c'est la même chose, c'est le même cycle. Nous prions que ton esprit agisse, que ton esprit agisse dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans la conscience de tes enfants, le subconscient, l'inconscience, la supraconscience, pour que totalement ils abandonnent le péché, ils délaissent, ils fuient, ils s'attachent à toi, en priant constamment, lisant ta parole, en se joignant aux frères et sœurs pour t'adorer, pour te célébrer, être entouré par des bien-aimés, nous accompagner. Seigneur, tu nous as rachetés à un grand prix. Aide-nous à ne pas retourner à ce que nous avons abandonné. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aujourd'hui que Dieu peut aussi utiliser nos ennemis pour nous éprouver. Peut-être que dans ta vie, tu vis beaucoup de moments, des moments de maladie. Depuis que tu es parti pour faire des sacrifices, depuis que tu es parti invoquer les esprits des morts, lorsque un parent est mort, tu as vu que ta santé s'est dégradée. Depuis que tu as connu des problèmes avec ta femme, tu t'es éloigné de ton mari, de ta femme, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est Dieu qui t'interpelle pour que tu puisses te repentir. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de preuve où l'ennemi a les déçus. Que Dieu les fasse revenir, qu'il profite de ce moment pour revenir sincèrement à Dieu, afin que le Seigneur les délivre, les guérisse, les restaure. Prions le Seigneur. Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es saint et tu veux que tous ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Seigneur, par notre péché, par notre ego, par notre moi, par notre orgueil, par notre inconscience, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre notre épouse. Nous avons péché contre notre époux. Nous avons trahi. Nous n'avons pas été fidèles. Et aujourd'hui, nous sommes éprouvés. Nous sommes malades. Nous sommes fatigués et chargés. Je viens à toi. Je te recommande celui qui est dans le cas, qui est éprouvé. Seigneur, souvent, tu utilises les épreuves pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous libérer, pour nous guérir. Sanctifie-nous. Nous nous repentons. Nous venons à toi. Nous voulons revenir avec notre mari, notre femme, avec nos enfants. Nous voulons revenir à la maison. Nous voulons revenir dans notre premier amour. Nous voulons revenir avec toi. Nous voulons nous redédier notre vie. C'est pour cela, Père, accorde cet acte d'humilité. Visite quelqu'un, libère quelqu'un, oui, guérit quelqu'un, soulage quelqu'un. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, qu'il n'y a point de condamnation. condamnation sur notre vie. Merci, Papa, parce qu'aujourd'hui, avec toi, nous sommes dans la joie, nous sommes libres, il n'y a point de condamnation sur notre vie, nous sommes sanctifiés, nous sommes restaurés, nous sommes délivrés, nous sommes bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous aurons ce dimanche 22 la rencontre Bonheur conjugal pour les célibataires. Thème, la persévérance qui conduit à la victoire. Toi qui es découragé parce que ton mariage tarde, viens à cet enseignement. Nous allons prier. Nous allons t'enseigner comment tu peux persévérer jusqu'à la victoire. Comment tu peux persévérer pour vaincre cet esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui te fatigue. Il va capituler. L'entrée est libre. Premier service, 16h. Deuxième service, 18h. Au CPE. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.